Bon, ben, merci de votre venue et de votre présence pour cette première causerie de l'année 2024. Donc, on va nous souhaiter d'en faire plusieurs. D'ailleurs, il y a un programme qui est derrière vous, là. Il y en a pas mal qui sont prévus. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Claire Ozias. Alors, je sais pas, il y en a qui doivent la connaître, mais peut-être pas tout le monde, t'es pas non plus l'historienne la plus célèbre de France, mais en tout cas, Claire est historienne et a écrit quand même une quinzaine de bouquins. Alors, au début, elle s'intéressait surtout à l'histoire du mouvement libertaire à Lyon, c'est le sujet de sa thèse, et sur les ouvrières de Lyon. Et puis après, elle a commencé à s'intéresser, ou peut-être en même temps, je ne sais pas, à l'histoire des Tziganes, des Roms, je ne sais pas quel terme tu préfères. Aussi, on pourra parler aussi de tous ces termes qui sont payés, et elle a fait une très belle histoire des Tziganes chez un éditeur qui, malheureusement, le bouquin est difficile à trouver, la digitale. Et puis celui-là, c'est celui pour lequel elle va parler aujourd'hui, c'est une réédition. Mais bon, elle s'est intéressée, elle a fait, Claire a aussi fait une expérience dans l'édition avec une maison d'édition qui s'appelait Egrégor. Bon souvenir puisqu'on y a participé. Et chez Egrégor, il y avait notamment un bouquin d'interview de Fan Zigan, très très beau livre qui a été réédité aussi avec deux éditions. C'est épuisé, ça a bien marché. Et puis un petit bouquin sur les Tziganes d'Israël, parce que même en Israël, il y a des Tziganes, ça personne ne le sait, mais Claire a été les rencontrer là-bas. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que c'est quand même inhabitué du CIRA, hein, puisque là j'ai relevé un peu tout ce que tu nous avais présenté. En 2018, un livre sur mai 68 à Lyon, qui s'appelle Trimar, donc un peu sur tout ce que Claire est de la génération 68, donc elle a connu les événements lyonnais. En 2017, tu nous as parlé des ovalistes. Les ovalistes, c'était les ouvrières à Lyon dans le textile, je suppose, de la soie. En 2008, tu nous as parlé d'Albert Camus, avec peut-être avec Reinhardt. Avec Reinhardt. Parce que chez Egrégor, il a été publié un bouquin qui est un recueil de textes anarchistes de Camus. Et avec une grosse préface de Reinhardt qui était là et qui vient de partir, je ne sais pas pourquoi. En 2007, tu nous as parce que tu as écrit aussi de la poésie et des romans. Ouais. En 2007, un roman qui s'appelle La plume et Goudron. Toute ressemblance avec des personnes ayant existé serait totalement fortuite. Et en 2005, là, on remonte en arrière. Ah non, mais il y a encore plus vieux, ouais. 2005, présenté la maison Egrégor. Et en 2002, Paris révolutionnaire. Ouais, ouais. C'est à cette époque-là où tu es venu à Marseille avec ton compagnon de l'époque, malheureusement décédé, que vous avez peut-être connu, Arthur. Mmh. Arthur, tout court. Hein. Mmh. Pas de nom, c'est Arthur. Et c'est un très très beau livre qui a été réédité d'ailleurs, oui, Paris révolutionnaire. Chez édition Libertaire. Ouais. Toujours disponible. Ouais. Qu'on se le dise. Là, celui-là est disponible et chaque arrondissement des personnages pas très connus ou qui méritent d'être connus en tout cas. Voilà, sinon, tu as écrit moult articles, non seulement dans la presse anarchiste, mais aussi la presse féministe. Alors, je ne sais pas si on peut te qualifier de féministe, anarchiste, anarcha-féministe, tu t'appelles comme tu veux. Anarcha. Et voilà ce que je peux dire. Et puis je te laisse la parole parce que j'ai assez parlé. Donc aujourd'hui, Samudari Pen, je vois que tu as les deux éditions, parfait. Et tu nous diras la différence d'une édition à l'autre d'ailleurs. Et là sur la table, alors il n'y a pas tous les bouquins dont on a parlé, où ils sont tous épuisés. Il nous reste deux exemplaires de celui-là. Alors celui-là, malheureusement, il était publié dans une édition, bon, une espèce de conte d'auteur. Et c'est dommage parce que ces aventures de jeunesse dans les années 70, c'était un très beau livre et il mérite d'être réédité dans une belle collection. Et en corrigeant les fautes parce qu'il y a tout ça des ratas. Non, c'est fait. C'est fait. Il y a deux camarades correcteurs qui m'ont refait une nouvelle édition. Nickel. Et qui a été publié où? Chez eux? Oui, la même chose. J'en profite, pardon. Comme tu as parlé des anciennes causeries, c'est vrai que les autres fois, j'ai pas pensé. J'en profite pour dire qu'à partir du site du CIRA, on peut. Alors, c'est pas complet encore, mais on peut avoir les enregistrements de un certain nombre de causeries antérieures. Donc si Claire vous subjugue cet après-midi, quand vous rentrez, vous pouvez vous la remettre dans l'oreille, si vous voulez. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction, mes chers amis. Et merci à tout le monde d'être venu avec ce froid. Enfin, il fait moins froid ici que de là d'où je viens. Voilà, donc je vais présenter ce livre. Le fait que tous ces amis, vous tous, vous soyez déplacés, ça m'oblige à faire un effort, ne pas vous raconter n'importe quelle bêtise. Et donc, voilà, il s'agit de ce livre-là, Samoudaripen, le génocide des Tziganes. Ce livre est la réédition d'une première édition. Comme vous voyez, il fait le double. Première édition sortie en 2000, en l'an 2000. Ce qui fait qu'il y a certaines précisions, certains détails qui peut-être ne seront plus vraiment présents à mon esprit pour vous dire. Mais c'est une édition entièrement refondue et complètement augmentée. Donc c'est pas le même livre, il y a le double d'informations. Pourquoi ? Eh bien parce que entre l'an 2000 et l'an 2020, a fortiori 24, les recherches ont beaucoup avancé. Donc il y a eu beaucoup de nouvelles choses qui ont été connues, et donc il s'agissait de mettre à jour là. Alors l'ambition de ce livre, c'était de faire une sorte de que sais-je, de mettre à la disposition de tout le monde une synthèse sur les connaissances sur le génocide des Tziganes. Car en réalité, si vous cherchez bien, ça n'existe pas en français. Ça existe en anglais, évidemment, ça existe en allemand, bien sûr, mais en français, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas le seul livre en langue française qui cite, qui aborde l'idée qu'il y a eu un génocide des Tziganes, mais c'est le seul qui fasse cette histoire pour toute l'Europe générale en synthèse. Voilà. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est le génocide des Tziganes. Moi, je parle d'un génocide, mais non pas parce que le mot génocide serait le nec plus ultra de l'extermination des gens, mais parce qu'il s'agit, à mon avis, effectivement d'un génocide, au sens où les chiffres nous le permettent, c'est-à-dire que nous avons eu un recensement de population entre les deux guerres dans toute l'Europe, qui au total a comptabilisé 1 million de Tziganes pour toute l'Europe, entre les deux guerres. Dans chaque pays, il y a eu un recensement. Or, les associations de Rome, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'ils se sont fondés en association Union Romaine Internationale, ont revendiqué 500 000 morts dans le génocide. 500 000 morts, ça fait la moitié de la population tzigane. Donc, sachez qu'on n'a pas de vrais chiffres, on n'a aucune comptabilité à jour, et ça s'explique très aisément, mais on a des appréciations. Et ces appréciations nous permettent de parler de génocide au sens où il y a bien eu intention d'exterminer toute cette population, ou le maximum de gens dans l'Europe. Donc, moi j'emploie le terme de génocide, mais je ne suis pas juriste. Or, la parole est à l'heure actuelle entre les mains des juristes internationaux pour savoir si oui ou non ils vont qualifier de génocide cette extermination. Et j'ai entendu récemment un débat qui disait que dans la définition d'un génocide, il y a également l'intention de tuer. Et cette intention de tuer, elle existe concernant les Tziganes, bien sûr. Donc, c'est mon avis, mais je vous le présente pour tel, parce que précisément il n'est pas partagé par tout le monde, et j'entends sans arrêt des gens qui nous présentent les génocides en général dans l'histoire, et qui nous parle aisément du génocide, bien entendu, et des Juifs, évidemment, et heureusement, mais des Arméniens, des Herrera, du Rwanda, mais jamais des Tziganes. Et je me demande toujours comment est-il possible de citer les Arméniens, les Herrero, le Rwanda, et pas les Tziganes. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi les choses sont comme ça. Voilà. Alors, deuxièmement, ce que j'aimerais dire, c'est que lorsqu'on parle du génocide des Tziganes dans la Deuxième Guerre mondiale, on songe inévitablement à la Shoah, l'extermination des Juifs, qui est l'extermination la principale, bien sûr, pour les nazis, et d'autre part la plus massive, c'était une évidence. Et car le génocide des Tziganes est également un génocide par les nazis et leurs alliés pour des raisons racistes, raciales. Bon, on reviendra là-dessus. Tout comme les Juifs, dont il est, comment dirais-je, logique de songer à l'un quand on parle de l'autre. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que là s'arrête la comparaison. Parce que, en réalité, le génocide des Tziganes, il est tellement invisible qu'il fait beaucoup plus penser à l'extermination des fous dans la Deuxième Guerre mondiale qu'à celle des Juifs. Parce que l'extermination des fous, l'assassinat des fous, des malades mentaux, dans les hôpitaux psychiatriques de toute l'Europe, personne n'en parle jamais. Les spécialistes savent que ça a existé, mais personne n'en parle jamais. En France, je crois que c'est 40 000 fous qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Personne n'en parle jamais. C'est une chose... Et donc, je pense qu'en réalité, il est beaucoup plus fructueux intellectuellement de comparer, de songer aux malades mentaux, aux handicapés de la Deuxième Guerre mondiale en ce qui concerne les Tziganes, plutôt que les Juifs qui sont une extermination connue, étudiée, reconnue, admise et massive. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, maintenant, je vais répondre à une question que tu as posée. Tzigane ou Rome ? Alors, ici, j'ai parlé du génocide des Tziganes comme sous-titre. C'est d'autant plus pertinent que les Tziganes ont été assassinés par l'idéologie nazie et ses alliés, dont les Français, les Italiens et les autres, au nom, sous le titre de Tzigoïner. Et pourquoi est-ce que les Tziganes, organisés en association internationale, ont demandé qu'on n'emploie plus ce mot, parce qu'il est le mot de la stigmatisation nazie. Avec Auschwitz, et pas dans tous les camps, attention, mais Auschwitz, le Z tatoué sur l'épaule. Le Z de Tzigoïner. Donc, pourquoi est-ce que les associations militantes de Rome ont demandé à ce qu'on n'emploie plus ce mot de Tzigane, qui est un mot qui a été collé par les populations extérieures au Rom? C'est parce qu'il signifie la stigmatisation par les nazis. Mais les Français, toujours à la traîne sur tous les sujets, continuent d'employer le mot tzigane. Mais en Allemagne, on ne parle pas d'Arno Tzigoiner, hein, ça ne risque pas. Hein. C'est Roma, Roma und Sinti. Et même en Espagne, où on croit toujours que les Tziganes d'Espagne, ce sont des gitans, ce qui est vrai, mais le mot n'est pas tellement plus meilleur que Tzigane. Mais même en Espagne, les militants disent Rome. C'est-à-dire que n'importe quel militant de la dignité des Roms va employer le mot Rome pour tout le monde, quel que soit votre sous-groupe. Car le mot Tzigane français, l'équivalent de Tzigane, il regroupe la totalité de tous les groupes, toutes les branches, tous les sous-groupes, tous les petits ruisseaux de la grande famille des Tziganes. Et son équivalent de la dignité, c'est le mot Rome. Le mot Rome regroupe la totalité des groupes existants des Tziganes dans le monde et en Europe, qu'ils soient du sud, c'est-à-dire en Espagne, que l'on appelle en France des Gitans, qu'ils soient du nord, c'est-à-dire en Allemagne, que l'on appelle en France des Manouches, et qui en Allemagne s'appellent des Sinti, qu'ils soient même anglais, comme on dit, quelquefois les Romanichels, ou etc., etc., qu'ils soient italiens, les Zingari, etc., tous sont des Roms. Pourquoi ? Parce que tous viennent d'un même lieu. Un lieu que nous savons être l'Inde, mais où en Inde ? Quand sont-ils partis ? Pourquoi sont-ils partis ? Tout ça est inconnu. Et n'acceptez certainement pas les baratins que vous trouvez sur YouTube qui vous expliquent qu'on sait que tel jour, à telle heure, en l'an 1200, ils ont quitté tel village. Car sachez que malheureusement, à la minorisation qui est faite des Roms, il y a aussi la minorisation des études sur les Roms. Et il y a une bande de charlatans insensés. C'est catastrophique. Faites attention où vous mettez les pieds. C'est une catastrophe, sans parler de la, comment dirais-je, commisération, d'une forme de mépris de chez certains, Il y a surtout un mépris intellectuel faramineux qui fait qu'il y a n'importe qui dit n'importe quoi. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais essayer d'entrer avec vous dans la temporalité de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la Deuxième Guerre mondiale, pour ce qui concerne les Tsiganes, alors, vous savez que la guerre, elle commence quelque chose comme le 1er septembre 1939, si mes souvenirs sont bons, lorsque l'Allemagne déclare la guerre à la Pologne. Le lendemain, c'est les Français et les Anglais qui déclarent la guerre à l'Allemagne. Donc voilà, les Français, ils étaient sûrs qu'ils allaient tout gagner, ils ont tout perdu en 5 minutes. Ça a duré pendant une année et les nazis, pour ne pas dire allemands, parce que c'est incorrect de dire allemand, mais les nazis sont donc entrés dans Paris en juin 1940. Et à ce moment-là, la Troisième République était terminée. Et donc, je vous rappelle pour ce qui est du schéma français, que le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale française vote les pleins pouvoirs à Pétain, avec uniquement 60 abstentions, c'est tout. C'est-à-dire que la totalité des députés français votent les pleins pouvoirs à Pétain. Il ne faut pas oublier ça, d'une part. Bon, à partir de là, se met en place, pour ce qui est de la France, ce qu'on appelle un État national. État national. Et j'insiste sur cet aspect, parce que nous sommes en France, parce que la France est le maillon faible des études sur le génocide des Tsiganes au plan politique, c'est-à-dire que les gens qui étudient le génocide des Tsiganes pour ce qui est de la partie française, ils nous donnent de bonnes monographies, ils nous expliquent dans quel camp, etc. Ça, c'est bon. Mais par contre, ils ne comprennent pas pourquoi, finalement. Pourquoi donc l'État français a poursuivi les Tsiganes ? Il y a une incompréhension politique des raisons pour lesquelles... Ça... Et les raisons, c'est parce que c'était un État qu'on ne peut pas appeler fasciste, puisque le fascisme est italien, mais c'était un État national populiste, avec tout un corpus idéologique d'extrême droite, pensé, écrit, rédigé, publié, diffusé, qui, dont le premier idéologue a été Salazar au Portugal, qui est allé chercher les idéologues français, Maurras et compagnie, pour faire son État national au Portugal. Et quand Pétain est arrivé, il a eu juste à prendre le modèle portugais, il l'a copié en France. Et tout ça, pour, à partir de quoi ? À partir d'un corpus de penseurs français. Français. Pas allemand. Hein. Gobineau, le premier de tous les racistes, 19e siècle, c'est un Français. C'est pas un Pékin. Bon. Donc, ce sont des choses qu'il faut avoir bien présentes à l'esprit pour comprendre. Parce que, si vous voulez, il n'y a jamais eu de déclaration officielle, parce qu'il y a de la France, qui dise « Bon, alors, on va exterminer tous les Tsiganes », qu'on appelait à l'époque des Bohémiens. On va exterminer... Non, il n'y a pas de document qui dise ça. En revanche, comment on s'y est pris en France ? C'est un peu... Enfin, bon, ça ne fait rien, je continue. Comment on s'y est pris en France ? Eh bien, il y a eu des décrets-lois. Des décrets-lois qui ont commencé à détricoter la socialisation des populations tsiganes en France. C'est-à-dire qu'ils étaient intégrés, insérés, avec des modes de vie régulés. Et ces modes de vie sont devenus peu à peu interdits. La première de toutes les interdictions, interdiction de se déplacer. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que l'on appelle population tsigane, que ce soit hier comme aujourd'hui, ce sont ceux que l'on voit. Mais la population tsigane est beaucoup plus importante que ceux que l'on voit. À partir du moment où vous êtes de la classe moyenne, que vous habitez en HLM, que vous soyez Rome ou autre chose, personne n'en sait rien. Mais ceux que l'on voit, ce sont ceux qui vivaient en habitat mobile, notamment en caravane, avec des chevaux, etc. Ceux-là ont été soudain interdits de circuler. Bon, interdit de circuler, ça voulait dire, massivement, interdit de travailler. Car pourquoi on circule ? Pas seulement pour aller voir son oncle au village à côté, mais pour travailler. pour chiner, pour ferrailler, pour aller faire les foires, etc. Et donc, tu ne peux plus circuler, tu ne peux plus travailler. Tu ne peux plus travailler, au bout d'un moment, tu n'as plus rien à bouffer, tu es bien obligé de franchir le pas de la délinquance, de l'irrégularité. Et voilà comment on fabrique des asociaux. Et le terme sous lequel les tziganes français et de toute l'Europe ont été persécutés, c'est sous le terme de asociaux. C'est pas tellement la question du sang à rien ou pas à rien, comme je vous en parlerai dans les lois de l'arianisation, je vais y arriver, nazie. C'est pas tellement ça, c'est les asociaux, mais ces asociaux, ils ne préexistaient pas au système de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été créé par les politiques existantes. Et donc, devenus des asociaux, on les fout en tôle, on les sort de tôle et après on les met dans des camps, etc., etc. Et voilà comment s'est faite la persécution, en quelque sorte, des tziganes français. C'est valable également à l'international, sauf qu'à l'international, ça a été souvent beaucoup plus grave qu'en France. Car en France, par exemple, à Salier, merci Jean Charbonnier, je ne sais pas où il est, mais voilà, à Salier, quand l'unique camp français qui a été, vous pouvez le revoir, l'unique camp français qui a été construit uniquement pour les tziganes est à 10 km de Arles. Donc à Salier, par exemple, il y a eu 26 morts. Mais morts de faim, de maladie, de persécution, de sévices, de typhus, etc. Pas dans des chambres à gaz, soyons bien clairs. Hein. Le système concentrationnaire français est un système où on meurt de mauvais traitements, de maladies, de persécutions, d'angoisses, de tout ce que vous voulez, mais pas dans des chambres à gaz. Il n'y a pas de chambres à gaz sur le territoire français. Ne confondons pas tout. Quand nous parlons de camps de concentration, ce sont bien des camps de concentration que nous avons eus en France, mais ce ne sont pas des camps d'extermination. Il y a une grande nuance. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons à l'heure actuelle sur le territoire français une chambre à gaz dans un camp en Alsace à côté de Strasbourg, le camp du Strasbourg. Pourquoi ? Parce que l'Alsace est conquise et gérée par les nazis. Ce sont les nazis qui ont construit ce camp. Donc il y a eu une chambre à gaz qui a fonctionné, il y a eu 86 tziganes qui sont passés par là, il y a eu évidemment beaucoup de juifs, des résistants, des homosexuels, il y a eu tout ça. Mais c'était géré, c'était une politique nazie, pas française. Aujourd'hui, ça c'est dans le territoire français, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Donc, il ne faut pas confondre. Alors, nous avons eu en France plus de 80 camps de concentration répertoriés. Mais dans ces camps de concentration, il n'y avait pas que des Roms. Il y avait toutes sortes de gens. Il y avait des Juifs, il y avait des résistants, des opposants, il y avait des marginaux, il y avait toutes sortes de gens. Hein. Ce n'étaient pas des camps spécifiquement dédiés aux Tziganes. Le seul et unique camp spécifiquement dédié aux Tziganes, c'est celui-là. Pourquoi celui-là ? Parce que les Quakers américains ont fait une campagne de moralisation en France dans les années 40, 42, ça je ne me rappelle plus les dates, vous les trouverez dans le bouquin pour ceux qui veulent en savoir plus. Et ils se sont plaints du mauvais traitement dans les camps de concentration français de la part du régime de Pétain. Et ils ont fait une campagne de propagande. Et alors Pétain s'est dit, il faut contre-attaquer. Et pour contre-attaquer, il a fait construire un camp dans un lieu qu'il fantasmait comme étant le lieu d'origine des Tziganes, qui est un pur fantasme, évidemment, à savoir la Camargue. Tête Tziganes était obligatoirement camarguais. Donc Pétain construit en Camargue, à 10 km d'Arles, un camp très joli, selon lui. De l'extérieur. Avec des petites maisons camarguaises typiques, pour qu'ils se sentent bien chez eux, où ils ont des bons jobs, où tout va bien, etc. etc. Bon, il y a quand même eu 26 morts. Et celui-là était pour faire une vitrine de contre-propagande, contre la propagande des Quakers. Et aujourd'hui, il y a donc un monument à l'entrée, vous trouvez difficilement, mais enfin, il y a une petite route, on y arrive, il y a un monument qui est un violon brisé, comme ça, un très beau monument en bronze. Chaque année, il y a une commémoration, et j'y suis allée plusieurs années, et les propriétaires actuels du terrain sur lequel existait le camp de concentration de Salier sont les enfants des propriétaires de l'époque. Et ils interdisent qu'on y mette les pieds. Et ça, c'est intéressant. Mais ils ont rasé, hein, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a le monument sur la route, mais l'endroit du camp, il n'y a même pas les fondations des maisons. Non, il y a des herbes. Ah ouais. Mais en écartant les arbres, on voit l'espace. Ah ouais. Mais interdit d'y mettre les pieds. Interdit. Donc chaque année, la commémoration a lieu sur la route. Ouais. Sur la route, au bord de la route. Et ça, c'est intéressant parce que, bon, pour ma génération, pour les jeunes, c'est différent. Mais pour ma génération, née immédiatement après-guerre, nous sommes les enfants de la guerre, dans ma génération. Donc, les héritiers du camp de Salier, ce sont les enfants des propriétaires pendant la guerre. Et donc, la mairie d'Arles, pour ça, a fait un gros boulot. Hein. Ils se sont beaucoup mobilisés, parce qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu ce photographe, hein, Mathieu Pernaud, mais il y a eu beaucoup de tintouins autour de ce camp, donc il y a eu beaucoup de choses. Bon, les autres camps. Alors, le système des camps de toute la Deuxième Guerre mondiale, c'est, dans toute l'Europe, c'est la même chose. Premièrement, on interne les gens. Quand je vous dis les gens, je répète que c'est toute une série de populations. On les interne localement, sur place. En France, il est arrivé que l'on interne des gens, des tziganes, en leur interdisant tout simplement de bouger. T'es sur place, tu ne quittes plus ta caravane, tu ne circules plus. Bon. Le premier stade du camp, c'est le camp local. Et ce stade du camp, on le trouve dans toute l'Europe. Que ce soit en Europe de l'Ouest ou en Europe de l'Est, que ce soit en Italie, en France, en Roumanie, en Hongrie, en Allemagne, on trouve des camps locaux partout. Bon. Le deuxième stade du camp, c'est le camp national. Ça a été inventé par les Autrichiens. Un camp national, ça veut dire on regroupe tous les gens des petits camps en un grand camp. Et si mes souvenirs sont bons, en Autriche, c'était Lackenbach, dans le Burgerland. Donc, en France, en 1942, un truc comme ça, 1942, ils ont copié le modèle autrichien et ils ont construit quelques grands camps nationaux, dont un à Montreuil-Belay. À Montreuil-Belay, dans le Loiret, je crois. Bon, Montreuil-Belay. Et ça, c'est le deuxième stade, c'est le camp national qui regroupe les camps locaux. Donc, à Berlin, par exemple, en Allemagne, il y avait des camps locaux dans absolument tous les Länder, toutes les villes, etc. Mais il y avait certains grands camps nationaux, donc par exemple en banlieue de Berlin, Marzahn. Là, ils ont fait un énorme camp en 1936 pour les Jeux Olympiques. Et puis le troisième stade des camps, c'est le camp d'extermination. Alors ça, c'est pas pareil. Le camp d'extermination, c'est le camp de la mort. Il y en a 6 dans toute l'Europe. Ils sont tous sur le territoire actuel de la Pologne, mais n'imaginez pas que ce sont les Polonais qui les ont ouverts. Bien entendu, ce sont les nazis. Il y en a 6. Alors, il y a donc Auschwitz, Sobibor, Chelno, Belzec, Treblinka, et j'en oublie encore un. Hein, Mauthausen. Non. C'est pas un camp d'extermination. Ce qu'on appelle les camps de la mort. Non, les camps de la mort, c'est ceux... Les camps de la mort, ce sont les camps où il y a les chambres à gaz. C'est ça. Il m'en manque un, il m'en manque toujours un. Bon, vous le retrouverez, peu importe. Maintenant, je me rends compte que, en fait, ma démonstration est imparfaite parce que il y a des camps qui n'entrent pas dans le système que je viens de vous dire, Il y a Mauthausen, il y a Dachau, il y a Bergen-Belsen, il y a Ravensbrück. Dans tous ces camps, on meurt, bien entendu. Et ce sont des très gros camps. Ce sont des camps internationaux, ce sont des camps qui reçoivent des populations de toute l'Europe. Mais ce ne sont pas des camps de la mort au sens où on parle des usines de la mort. Hein. Mais je crois qu'à Mauthausen, il y avait quand même des chambres à gaz. En tout cas, il y avait des fours crématoires, ça c'est sûr. Donc il y avait aussi des camps qui étaient à l'origine destinés aux opposants politiques. Dachau a été le premier d'entre tous. Il y a aussi des très gros camps comme ça, qui à l'origine étaient destinés aux opposants politiques, et qui peu à peu, selon les besoins de l'évolution de la guerre, eh bien, se sont mis à recevoir des tas de sortes de gens. Voilà. Alors, pour entrer dans le cœur de la machine exterminatrice des Tziganes, il faut parler de l'Allemagne. Puisque c'est quand même l'Allemagne nazie qui a été le moteur de tout ça. Même si j'ai pris l'exemple des Français pour vous indiquer qu'ils n'étaient pas les derniers en la matière et ils n'avaient pas besoin qu'on leur dicte ce qu'ils ont à faire. Les lois de Vichy, de Pétain n'ont pas attendu que Hitler leur demande de se mettre au pas. Il les a devancés. Mais je vais vous rappeler quelques... parce que quand on est historien, on aime bien s'appuyer sur les dates. Vous savez, les dates, c'est notre point de repère. Comme pour certains, c'est les étoiles dans le ciel. Nous, c'est les dates. Donc, je vais vous donner quelques dates de repère pour que vous saisissiez un peu qu'est-ce qui s'est passé pour l'Allemagne. Hein. Alors, 1919, création du Parti National-Socialiste. Un premier embryon de parti, puis 1920, le Parti National-Socialiste à proprement parler. 1920. 1923, premier coup d'État de Hitler. 1918, révolution allemande. 1923, coup d'État de Hitler contre la révolution allemande. Tous les révolutionnaires allemands sont tous en tôle. Notre ami Erich Mühsam et tant d'autres. Bon. 1923, il est en tôle. En 24, il sort, je crois. Bon. En 1933, il est appelé au pouvoir. Je vous rappelle encore une fois, pour si par hasard certains ne le savent pas, il n'y a pas de coup d'État. Non. Il est appelé au pouvoir. Tout ce qu'il y a de plus légalement. Hein, tout ce qu'il y a de plus légalement. Appelé au pouvoir. 1933. Fin janvier 1933, il est appelé au pouvoir. Un mois plus tard, le camp de Dachau ouvre. Un mois plus tard. Tout était prêt. Intellectuellement. Si on peut parler d'intellect dans le cas de Hitler. Tout était prêt. Le premier camp de Dachau ouvre. Et les Sinti allemands. Il y a une association allemande de Tziganes qui est absolument remarquable. Vraiment. Qui s'appelle le Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma. Qui est à Heidelberg. Ce qu'ils font est absolument remarquable, c'est à eux que l'on doit toutes les avancées que l'on a concernant la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne bien entendu premièrement, et dans toute l'Europe deuxièmement. Bon. Donc, d'après eux, il y a déjà eu, en 1933, au bout de deux mois, les premiers Sinti allemands qui ont été déportés à Dachau. Je dis d'après eux, mais ils sont fiables, je leur fais confiance, mais moi je n'ai pas trouvé d'autres sources que eux. Mais surtout en 1933, donc il faut avoir à l'esprit que tout de suite il y a eu le premier camp. Mais après, voyez à quelle allure ça se passe. Le Troisième Reich édicta des mesures juridiques anti-tziganes sans précédent dans l'histoire. Elle commence par la stérilisation des prétendus asociaux. Je vous ai dit tout à l'heure comment on fabrique des asociaux, hein, pour les besoins de la cause. Stérilisation, ça commence comme ça. Le 2 novembre 1933, ça veut dire 6 mois après l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et se poursuit crescendo jusqu'à la solution finale. 1934, loi contre les, entre guillemets, criminels irrécupérables et dangereux. Septembre 1935, loi dite de Nuremberg, c'est-à-dire les lois sur l'aryanisation, c'est-à-dire il faut garder le sang allemand pur, pur de toute mixité raciale. Ça ouvre la voie à la hiérarchisation des personnes, puisque tu es 100% pur, moitié pur, un quart pur, un huitième pur, enfin, bon. Et les tziganes deviennent des criminels, entre guillemets, irrécupérables. Et le préfacier de cette édition, qui est Olivier Manoni, qui est le traducteur en français de Mein Kampf de l'année dernière, il y a 2 ans, il le dit bien, il a tout revérifié dans Mein Kampf. Jamais les tziganes ne sont cités comme race à exterminer. Jamais. C'est en tant qu'asociaux qu'on les persécute. Et comme ils ne sont pas asociaux, on les fabrique asociaux. C'est ça qui est fascinant, si je puis dire, dans le processus qui s'est joué. 14 septembre 1935, est votée une loi définissant la nouvelle citoyenneté. Devient criminel quiconque n'est pas conforme aux normes de la pureté de la race. 10 février 1936, la loi donne les pleins pouvoirs à la police. La lutte contre les tziganes est centralisée. Je vais vous raconter ça. Etc. 18 décembre 1938, Himmler ordonne la répression contre le fléau tzigane. 27 avril 1940, c'est le coup d'envoi de la déportation des Sinti vers l'Est. 1941, Himmler ordonne de répertorier tous les tziganes vivant en Allemagne. C'était déjà fait depuis plus de temps. Été 42, les tziganes sont assimilés aux juifs dans le traitement par les nazis. Pour la première fois, 42, vous voyez que les persécutions, elles sont bien antérieures. 16 décembre 1942, Himmler ordonne la déportation généralisée des tziganes de toute l'Europe. 43, c'est la mise en application, le premier convoi de Sinti et de Roms arrive à Auschwitz le 26 février 1943. Alors, ces dates, elles nous permettent quand même de voir la progression, la volonté incroyable, mais chaque fois, on en rajoute un peu plus, un peu plus, un peu plus pour donner les pleins pouvoirs, pour en fait faire n'importe quoi en réalité. Exterminer absolument n'importe qui comme ça pour des questions de bon vouloir, mais qui sont légiférées en quelque sorte. Voilà. Alors, la question d'Auschwitz est une question, enfin, c'est un exemple. Tout le monde connaît parce que c'est l'exemple, comment dirais-je, emblématique de l'extermination dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais surtout, on connaît très bien l'histoire d'Auschwitz parce qu'on a d'excellentes archives. Et vous savez, en histoire, ça dépend des archives qu'on a pour faire le travail. Or, pour ce qui est de la totalité du camp, je ne peux pas en parler, mais pour ce qui est du camp des Tziganes, alors là, je peux en parler, parce que c'est très connu, c'est très bien analysé, parce que il y avait donc une partie du camp qui était spécialisée pour les familles tziganes, on l'appelait le camp des familles. D'ailleurs, les autres déportés, dont les juifs, se demandaient bien pourquoi ces tziganes avaient le droit, le privilège de vivre en famille, alors qu'eux étaient séparés, hommes, femmes et enfants. Eh bien, c'était parce que les nazis avaient tellement peur de l'insubordination des tziganes, qu'ils ne voulaient pas leur donner un motif supplémentaire de désordre. Ils avaient tellement peur de ne pas pouvoir les gérer qu'ils ont préféré les laisser en famille ensemble. Et donc, il y avait ce camp des familles où plus de 20 000 tziganes de toute nationalité sont passés par ce camp. Passer par ce camp, pas exterminer dans ce camp, car certains ont été installés, déportés dans le camp des tziganes, par exemple, dans le camp des familles. Puis, quelques mois plus tard, pour les raisons liées aux nazis, transféré dans un autre camp. Et tous ceux des tziganes que nous connaissons dans l'histoire, qui sont passés par Auschwitz, mais qui sont survivants d'Auschwitz, ce sont ceux qui ont été transférés dans les autres camps. Tous ceux qui n'ont pas été transférés dans les autres camps sont tous morts le 2 août 1944, cramés dans la chambre à gaz, 2800 personnes. Ça a été la liquidation définitive du camp des familles. Or, il se trouve que ce camp des familles, nous le connaissons bien parce que il était tenu par des déportés polonais. Son administration, au profit des nazis, était faite par des déportés polonais résistants. Et qu'ont fait les déportés polonais résistants? Ils se sont mis d'accord avec les tziganes. Et il a été question de liquider le camp des familles tziganes d'Auschwitz une première fois au printemps 1944. On avait besoin de la place pour y mettre les juifs hongrois. Mais voilà que les résistants polonais ont informé des tziganes du camp, des Roms, notamment sinti-allemands, du camp, que les nazis allaient venir le soir pour les emmener à la chambre à gaz et qu'il fallait qu'ils résistent. Et nous connaissons cette histoire de l'intérieur, non seulement par les archives des résistants polonais, mais par l'un d'entre eux, Hugo Hollenreich, qui était un sinto-allemand et qui a écrit son autobiographie. Et il était là avec toute sa famille. Et c'est son père qui a pris le premier. Et ils ont résisté. C'était le 16 mai 1944. Les nazis sont venus le soir pour les emmener à la chambre à gaz et ils étaient tous armés de pioches, de bâtons, de pelles, de n'importe quoi. Et quand les nazis leur ont dit de sortir, ben ils ne sont pas sortis. Et les nazis ont dû repartir devant la résistance tzigane. Et c'est la raison pour laquelle la seule bonne chose qui a été faite par certains Roms français, enfin pas français d'ailleurs, mais vivant en France, c'est de créer le jour de la fierté tzigane, le 16 mai, en l'honneur du jour de cette résistance, parce que c'est une grande résistance héroïque, bien entendu. Et donc c'est devenu aujourd'hui le jour de la fierté tzigane. Et donc ils ont résisté, mais évidemment qu'ont fait les nazis? Eh bien ils ont démantelé le camp des familles. Ils l'ont démantelé en envoyant dans d'autres camps, Ravensbrück précisément, les femmes, à Bergen-Belsen et Mauthausen, des hommes, etc., etc. Ils sont juste restés sur place, ceux qu'ils n'ont pas pu, pour des raisons, je ne me rappelle plus lesquelles, ceux qu'ils n'ont pas pu transférer, 2800 personnes. Et ces 2800 personnes, vieillards, femmes, enfants, ont tous été gazés dans la nuit du 2 août 1944. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait besoin de place pour les juifs hongrois, car la Hongrie avait été un état allié de Hitler jusqu'à ce que en 1944 il soit envahi par les nazis. Et dès que les nazis sont arrivés officiellement en Hongrie, ils ont déporté tous les juifs, c'était 200 000 en une seule fois, tous les Roms, et exterminés, mais dans l'année. À l'automne 1944, déjà tous les juifs hongrois étaient liquidés à Auschwitz. Donc voilà l'histoire du camp, et alors les résistants polonais ont enterré, comme on fait beaucoup de résistants dans les camps, si vous le savez, on commence à connaître des histoires quand même de résistance assez importantes dans les camps, ils ont enterré les archives, ils tenaient le registre du livre des entrées. On a tous les noms de tous les tziganes qui sont passés par Auschwitz, avec leur nationalité, tous. C'est ainsi qu'on sait qu'il y avait un couple d'Espagnols. Je dis couple parce qu'il y avait un homme et une femme. Bon. Un couple d'Espagnols, un, en tout pour tout, etc., etc. Et à Auschwitz, nous avons au total 340, qu'est-ce que je ne vais pas vous dire des conneries, 340 Tziganes français, de nationalité française. Il faut que je revérifie mes chiffres. Mais c'est pour vous dire, ce n'est pas des milliers qui ont été exterminés dans la chambre à gaz à Auschwitz. Seulement. Non, 145, non. 340, c'est le total du transport avec les Tziganes belges. Non, non. Non, non. 145 noms de Tziganes français que nous avons qui ont été cramés dans la chambre à gaz à Auschwitz. 145 au total. Pas plus. Ceci, non pas parce que le maréchal Pétain, pour revenir à lui, était bienveillant, mais parce que il n'y a pas eu de déportation plus importante vers les camps de la mort depuis la France de Tziganes. Voilà. Ils se sont contentés de déporter massivement les Juifs français vers les camps de la mort, mais pas. Alors, qu'est-ce que vous voudriez savoir encore ? La Russie. La Russie. Alors, il se trouve que la Russie aussi a d'excellentes archives. La Russie aussi a d'excellentes archives parce que comme elle était l'ennemi frontal Staline-Hitler, bon, ils auraient mieux fait de fraterniser, mais enfin bon, ils n'ont pas fraternisé, ils se sont battus, bon, voilà. De ce fait, les Soviétiques ont tenu des registres administratifs très très précis, très minutieux, des exterminations, des pertes dans la guerre. Et en Russie, le massacre des Tziganes, comme celui des Juifs, là pour le coup, on était dans la dernière partie de la guerre et tout le monde était assimilé dans la même procédure. En Russie, c'est ce qu'on appelle l'extermination par balle. C'est-à-dire que il y a des groupes spéciaux qu'on appelle les Einsatzgruppen, groupes spéciaux qui s'amènent et tout le monde est fusillé. Donc c'est le fameux exemple de Babi Yar, dont vous avez certainement entendu parler, qui est en Ukraine aujourd'hui, où ce sont, ne l'oubliez quand même pas, les nazis qui ont zigouillé les juifs, bien sûr, 30 000 d'entre eux, et les Roms. Je n'ai pas le chiffre pour les Roms, mais beaucoup, beaucoup de Roms, bien sûr, avec certes des supplétifs locaux, ça c'est vrai aussi, mais ce sont quand même les nazis qui ont fait ça. Et donc, on retrouve des charniers comme ça dans tous les territoires de l'Est. Ce que j'appelle territoire de l'Est, c'est une partie de la Pologne, et puis l'entrée, si vous voulez, de la Russie, Ukraine, etc. Et donc, quand il n'y avait pas un ravin comme à Babi Yar, ils fusillaient les gens dans les bois, et ils mettaient trois branches par-dessus. Et de temps en temps, il y a un paysan qui passe dans son village et qui voit une main qui dépasse d'un tas de branchages. Donc, il soulève les branches et il trouve des corps entassés. Et j'ai vu chez mon amie photographe des photos qu'elle vient de découvrir où on a des photos de tels charniers. Donc, pour ce qui est des territoires du Grand Est, disons la Russie l'ex-URSS, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'extermination par balle. Donc, on n'a pas de déportation vers les usines de la mort. Ça, on n'a pas. Par contre, on a eu également un autre type d'extermination, une variante, qui s'appelle les camions à gaz. Donc, on a eu ça à Chelno. Chelno, c'est quelque part dans le nord de la Pologne, pas loin de Lodz. À Lodz, deuxième ville du pays, après Varsovie, il y a eu un ghetto énorme dans lequel on mettait les juifs. Mais on a construit à l'intérieur du ghetto juif, qui était une ville tout entière, un sous-ghetto spécial pour les Roms, parce qu'ils avaient peur, encore une fois, que les Roms soient incontrôlables. Donc on y a déporté en particulier les Roms autrichiens, 5 000, dans le ghetto de Lodz. Et un jour, ils ont tous disparu, cramés dans les camions à gaz de Chelno, à 80 km de Lodz. Bon, donc ça, c'est encore une variante. Alors, je vais terminer ma présentation succincte, avant de vous laisser la parole, en vous disant un mot de l'après-guerre. D'abord, pour commencer, en exemple illustratif, Les Français ont carrément oublié, en 1945, de libérer les Tsiganes des camps français. Donc en 1946, tout le monde était libre en France, sauf les derniers Tsiganes des camps français. Ils étaient toujours en camp. On les avait juste un petit peu confondus avec les marginaux, les marchés noirs, les prostituées. Voilà. Bon. Donc, il a fallu attendre fin 1946 pour que les derniers bohémiens français soient libérés des camps français. Ça, c'est la France. Mais pour les autres pays après 1945, il y a eu 1947, années 50, etc., constitution des dossiers de demande de réparation pour les victimes du nazisme dans tous les pays. Alors, je ne vous donnerai qu'un exemple, parce qu'il est bien étudié, c'est l'exemple allemand. Eh bien, lorsque les Roms sont revenus à grand-peine chez eux, comme Hugo Hollenreier, par exemple, d'abord, ils ont trouvé premièrement leur maison habitée par des gens qui leur ont dit « Mais qu'est-ce que tu viens foutre là ?» Bien sûr. Bon, ça c'est premièrement. Ça n'a pas été tellement facile de réintégrer ces pénates. Mais enfin, ils ont fait des dossiers et des dossiers et des dossiers de demande de réparation auprès des tribunaux adéquats. Et quoi donc? Qui étaient les juges de ces tribunaux qui décernaient le droit aux réparations? Eh bien, c'étaient les experts qui avaient été aux manettes de l'eugénisme et de la lutte anti-tsigane sous le nazisme. C'étaient les mêmes gens. Et tout à fait par hasard, ils n'arrivaient pas à obtenir leur dossier de réparation. Et ça a été une bataille qui n'est même pas terminée pour obtenir ces réparations. Ça s'est étalé sur des dizaines et des dizaines d'années. Alors, je m'aperçois que je ne vous ai pas dit un mot sur les eugénistes. Mais enfin, je vous ai évoqué tout à l'heure le sang arien pur. Bon, il y avait toute une armée, les ennemis numéro un des Tsiganes, ils en avaient deux. Il y avait la police, bien entendu, qui a fait du zèle, mais il y avait aussi les eugénistes, les anthropologues eugénistes, ceux qui déclaraient combien vous aviez de sang pur ou de sang impur, si vous étiez un véritable arien ou si vous étiez un asocial. C'était les anthropologues. Ce qui fait que de nos jours, il m'est arrivé dans des commissions internationales de vouloir faire l'éloge de l'anthropologie, en me souvenant des grands anthropologues des années 60, qui tous étaient des alliés de la libération des peuples partout à l'époque de la décolonisation, et je me suis fait engueuler par les camarades allemands qui me disaient « Comment peut-on parler aujourd'hui concernant les Tsiganes d'anthropologie? C'est tous des ennemis !» Bon, c'est pas la même anthropologie, bien sûr. Voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter pour après cette première présentation pour recevoir vos questions peut-être, non? Ben merci Claire pour ce... C'est exposé Claire. Et donc la parole est à vous, posez des questions parce que... Et si vous ne voulez pas démarrer les questions, c'est une semaine qui va démarrer. Qu'est-ce qui s'est passé en Roumanie, où c'était quand même un pays où les Roms étaient très nombreux? Alors en Roumanie, les Roms étaient très nombreux, ils le sont toujours. Ils étaient 2 500 000 à la chute du mur de Berlin. Ils étaient à l'époque, proportionnellement, c'était pas 2 millions entre les deux guerres, mais ils étaient une très très forte population. Et en Roumanie, il y a eu donc un gouvernement fasciste, le gouvernement de, pas Ceaușescu, mais Antonescu, qui était la garde de fer, avec, comme partout en Europe, ces intellectuels qui lui prêtaient main forte. Alors quand vous dites en France... que Cioran, Ionesco, Mircea Eliade étaient tous des compagnons de route de la garde de fer, c'est-à-dire le mouvement fasciste roumain, vous vous faites engueuler, parce que Cioran, ils adorent les gauchistes. Bon, c'est invraisemblable. Mais Cioran défend les Tsiganes dans ses yeux. Bon. C'est le seul peuple qui les trouve grâce à ses yeux. Bon. Et donc, il y avait un gouvernement fasciste. Alors, ce gouvernement fasciste a d'abord fait alliance avec les nazis, dans un premier temps. Et il a commencé à détruire, à persécuter les tziganes, comme je l'ai dit, de la même façon, en les décrétant asociaux. Donc, dans un premier temps, le gouvernement roumain s'en est pris aux tziganes nomades. Parce que ce que je ne vous ai pas dit encore, un des grands mots-clés de la persécution des tziganes, c'est au nom du nomadisme, donc. Pourquoi on leur interdit de circuler? Au nom du nomadisme. Mais évidemment, ils ne sont absolument pas nomades. On n'a jamais vu un seul Rome nomade de sa vie. Un nomade, c'est un Touareg, c'est un Bédouin, c'est un Peul, c'est un Inuit. Ça, ce sont des nomades. Les Roms ne sont absolument pas des nomades. Mais on a décrété qu'ils étaient nomades parce que ça troublait la rigidité de l'État. Et donc, on commence en Roumanie par persécuter les Roms dits nomades. Nomades, ça veut dire qu'ils ont une roulotte et qu'ils vont d'un village à un autre village. C'est ça, le nomadisme. Donc, les Roms sédentaires, qui étaient très très nombreux en Roumanie, très très très nombreux, partout, en ville, en village, en habitat urbain, rural, ferme, tout, tout, ils se sont dit, on s'en prend aux nomades, c'est pas nous. C'est toujours la même chanson. On a d'abord déporté en Transnistrie les Roms nomades. Et puis quand on a bien eu déporté les Roms nomades en Transnistrie, ben, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a déporté les Roms sédentaires. Et ils se sont tous retrouvés, plus de 10 000. Alors en Transnistrie, il y avait aussi des Juifs. Hein. La Transnistrie était le lieu de déportation de toutes ces populations indésirables. Mais pour ce qui nous occupe, nous, les Tziganes, en Transnistrie. Et alors en Transnistrie, il n'y avait rien à bouffer, il faisait froid, il y avait. C'est toujours pareil, les persécutions physiques, quoi. Et donc, voilà. Et puis arrive Stalingrad, février 43. Zut alors, l'axe géopolitique change. Et alors, Antonescu change aussi son fusil d'épaule. D'ailleurs, je crois même me souvenir qu'il est carrément renversé. Et donc, la Roumanie change complètement de politique. Et tout d'un coup, elle rappelle les Roms qui étaient déportés en Transnistrie en disant « Vous pouvez rentrer chez nous ». Alors, comment tu rentres? Eh bien, on a des récits. Parce que de nos jours, il y a eu beaucoup de collectes de récits. On a des récits. Les gens sont rentrés comme ils pouvaient, en stop, à pied. Bref, ils sont rentrés. Ils ont quitté peu à peu la Transnistrie. Voilà. Mais on a eu un total de plus de 10 000 déportés tziganes en Transnistrie. Oui. Oui, d'abord merci beaucoup pour ce partage. C'est une question un peu similaire. Si vous avez des informations sur la Grèce. Non, j'ai pas d'informations sur la Grèce, justement. J'en ai eu sur la Grèce contemporaine, mais sur les déportations de la Grèce, je n'en ai pas. Justement, il y a comme ça quelques lieux d'ombre, et la Grèce en fait partie. J'ai rien sur la Grèce, j'ai rien sur la Turquie, j'ai rien du tout. Mais on peut imaginer, d'après ce qu'on sait, que Corfou, des lieux comme ça qui ont été très brutalisés, très persécutés par les nazis, pour ce qui est de la population des Grecs partisans, résistants d'une part, d'autre part les Juifs grecs, on peut supposer que pour les Tziganes, c'est exactement la même chose. Mais c'est juste une supposition parce que je n'ai aucune étude sur la Grèce. Il n'a rien trouvé non plus. D'après lui, il n'y a pas eu de déportation en Grèce. Il y en a peut-être eu, mais je n'ai pas d'études. Moi, quand je n'ai pas d'études, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu. Parce que 2 ans après, on a une étude qui tout magiquement nous l'explique. Donc, non, je n'ai pas d'études sur la Grèce. Et pour la Bulgarie? Alors, Bulgarie, merci d'y penser. Car ça, alors, il faut que vous le sachiez. La Bulgarie n'a pas déporté ses Roms. Elle a refusé à Hitler de déporter les Roms. La Bulgarie a interné les Roms à l'intérieur de la Bulgarie, dans des camps locaux, comme je vous l'ai dit, et dans des camps nationaux, avec les Juifs. Mais quand Hitler a demandé qu'on lui livre les déportés, Juifs et Roms, Eh bien, les Bulgares, vous pouvez même demander à Reinhard qui vous en dira plus, les Bulgares, grâce à l'action de parlementaires bulgares, ont refusé de livrer les Juifs. La campagne concernait les Juifs, mais comme on ne livrait pas les Juifs et que Juifs et Tziganes étaient internés dans les mêmes camps, les Tziganes n'ont pas été déportés dans les camps de la mort. Ils ont été sauvés. Et par contre, ce sont bien de Bulgarie que ont quitté en 1948 des Roms bulgares pour Israël, à la fondation d'Israël. Avec les Juifs avec lesquels ils avaient été déportés ensemble, dans les mêmes camps. Oui. Vous avez dit qu'il y avait la peur que les Tziganes pourraient être incontrôlables. Oui. Mais d'où venait cette peur? C'est un fantasme. C'est une idée selon laquelle les Tziganes sont des gens sauvages, pas civilisés, et donc très énervés, très agités, et que donc aucune mesure de répression ne pourra les contenir tranquilles. Et donc, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Pologne, dans les camps, les nazis avaient cette peur de ne pas pouvoir contrôler les Tziganes. Et donc, il fallait leur donner un semblant. Enfin, c'était c'est un fantasme nazi. Ben, moi, je voulais juste faire une petite réflexion et puis une question. La première, c'est par rapport à ça, touche un peu à ça, c'est la question du racisme nazi. Je pense que ce que, si voilà, c'est une thèse aussi sur laquelle les gens travaillent, c'est-à-dire c'est surtout un racisme de autoracialisation. C'est-à-dire ce qui compte, c'est la race pure aryenne. Mm-hmm. Et en fait, ce qui est combattu, c'est les races impures, les races dégénérées, les races sursocialisées, comme on parlait des Juifs, ou dégénérées comme les Tziganes ou d'autres, et notamment. Voilà. Donc c'est intéressant de voir aussi cette différence qu'il peut y avoir avec le racisme colonial qui va plutôt définir les autres comme race et soi-même comme sorti de la nature. Bon, voilà, ça c'est juste nous plus loin. Et la question est beaucoup plus c'est vraiment une information que j'aimerais avoir. Je ne sais pas si tu connais de Jan Jors. Bien sûr. Alors voilà, moi j'ai toujours été passionné par ces deux livres. Ouais. Sauf, j'ai eu un problème, c'est que j'ai jamais réussi à savoir à quel point, surtout la deuxième partie, c'est la partie où il repart, cette histoire de résistance qu'il raconte, que c'est en fait quelqu'un qui a, en tant qu'adolescent, rejoint une famille tzigane, rome. Pour vivre avec eux tous les étés, etc. En Hollande, et qui ensuite, quand il a 18 ans, on lui demande de se marier, il quitte un peu ce monde-là, et ensuite, dans son deuxième livre, il dit, je crois qu'il est à Paris ou quoi, et on lui demande, il est contacté par les services secrets anglais, qui disent, est-ce que tu ne veux pas reprendre contact? Parce qu'on a besoin de ces gens-là pour qu'ils rentrent en résistance, parce que, etc. Et alors voilà, moi je trouve ça extrêmement passionnant, mais j'ai jamais trouvé de source quelque part pour savoir. Alors, j'ai terminé la première édition du Samoudaripen sur cet exemple de Jan Jors participant à la résistance avec les Roms en France. Tout en posant la question, on ne sait pas si c'est vrai. Parce qu'il y avait un grand tziganologue français aujourd'hui décédé qui me disait « Non mais tout ça, c'est tout du baratin. » Mais en réalité, non seulement c'est pas du baratin, mais c'est complètement avéré. Ah bon. C'est complètement avéré. Parce que Jan Jors, d'abord, il existe pour de vrai. C'est un peintre très connu dans les galeries new-yorkaises, c'était, ensuite. Et cette histoire de la résistance, elle est confirmée par d'autres groupes tziganes français. Et donc, c'est absolument avéré. contrairement à ce qu'il y a 20 ans, quand je l'ai écrit, je me disais, est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est une projection qu'on fait? Non, non, non, c'est tout à fait vrai. Alors, l'histoire est la suivante, c'est que, donc, effectivement, Jean Yors, cet enfant hollandais, est contacté par donc, la résistance londonienne et il entre en résistance avec le groupe de Rome avec lequel il a été élevé dans son enfance. Élevé en partie puisqu'il passait 6 mois de l'année avec eux, 6 mois de l'année chez ses parents hollandais qui étaient des artistes. Et donc, il fait la résistance avec eux et ces Rome, ce que l'on sait, des modalités de la résistance, ces Rome notamment transportaient dans leur roulotte, sous la roulotte, dans le caisson à outils, ils transportaient des résistants ou des fugitifs d'un village à l'autre, tant qu'ils pouvaient un petit peu bouger. Et donc, on le voit très bien dans le film Liberté de Tony Gatliffe, parce qu'il a mis cette scène en film à la fin. On le voit dans le film. Ils sont en train, les flics viennent et lui demandent « Donne-moi la clé du caisson » parce que les flics avaient eu un mouchard qui leur avait dit que les tziganes transportaient des fugitifs. Donc, les flics viennent demander aux tziganes « Donne-moi la clé du caisson, je veux voir ce qu'il y a dans le caisson. » Et alors, on voit dans le film « Oh, la clé, mais qu'est-ce qu'on a bien fait ? Mais on n'a pas de clé, mais ça fait au moins 10 ans qu'on n'a pas ouvert ce caisson, mais qu'est-ce qu'il nous demande, le gadjo ?» Bon. Et donc, il joue au con, il ne donne pas la clé, et les flics s'en vont sans avoir ouvert le caisson. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Jean. Si vous ne voulez lire qu'un seul livre, vous pouvez lire ce livre qui est absolument merveilleux. Comment ça s'écrit le... Jean Yors, Y2ORS, Jean J-A-N. Ce qui m'amène à vous dire une chose que je ne vous ai pas encore dit. C'est cette chose-là. Je ne vous ai pas encore dit ça. Je vous coupe la parole, sauf si vous avez des questions. Bon, ben on prendra des questions après. J'ai considéré qu'il fallait quand même changer cette couverture qui était très très bien, que j'avais trouvé très très très bien de Placide, avec cette icône qui est devenue le visage même de la déportation tzigane en Europe. Cette icône est archi connue, elle est autant connue que le petit garçon qui sort du ghetto de Varsovie avec sa casquette et les mains en l'air. Elle a fait tour du monde, elle est dans tous les mémoriaux du monde entier concernant l'Holocauste, elle est partout. Et elle s'est appelée pendant des années, jusqu'à il n'y a pas longtemps, la déportation anonyme. Pourquoi ? Parce que c'est une petite fille dans un wagon. Dans un wagon. Donc on comprend que c'est la déportation. Et puis, il y a 20 ans de ça peut-être, un journaliste hollandais découvre un film. Nous possédons 2 films filmés par les nazis sur la déportation. Un sur Theresienstadt, donc à côté de Prague, en Tchéquie, et un sur un camp en Hollande, Westerbork. Un grand camp national, comme je vous ai dit qu'il y avait ces grands camps, Westerbork. Et c'est un film qui dure 7 minutes, que vous pouvez tous trouver sur Internet actuellement, où l'on voit les nazis tout bien propres, tout fin bon, et le départ, comment on enfourne les juifs dans les wagons, les juifs qui arrivent tout bien propres, avec leurs valises, c'est affreux, et on les enfourne là, bon. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de wagons, et puis il y a un ou deux wagons, en tout cas un, où il y a cette petite fille qui est quasiment le wagon pour le coup à bestiaux, et elle est comme ça dans l'embrasure de la porte. Voilà. Et bon. Et donc c'était la déportation anonyme. Et le journaliste, ayant vu ce film, a voulu savoir qui était cette petite fille. Il a cherché pendant 2 ans. Il est allé partout dans le monde. Dans tous les mémoriaux, dans tous les centres d'archives, dans toutes les associations juives, partout, partout, tout le monde lui a dit, mais on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas, on ne s'en souvient pas, on n'y était pas. Il a écrémé la totalité du champ. Lorsque soudain quelqu'un lui dit, oui, mais je me souviens que dans ce convoi, il y avait aussi des wagons de tziganes. Chose à laquelle personne n'avait pensé pendant 2 ans. Et donc, il se dit, bon, ben, alors il faut aller voir du côté des Tziganes, c'est vraiment ma dernière chance. Et donc, il se renseigne sur l'histoire des Tziganes en Hollande, où est-ce qu'ils existent aujourd'hui, où les trouver, etc. Il finit par trouver où il y a un campement de roulottes, et il arrive dans ce campement, avec la photo à la main. Et il dit, est-ce que il y a une vieille dame, un vieux monsieur parmi vous, j'aimerais le voir. Il dit, oui, il y a Martha, elle est là-bas, bon. Donc, il arrive dans la roulotte de la dame, que j'appelle Martha, je ne sais plus si c'est Martha ou Magda, bon. Il monte la photo, elle dit, ah oui, bien sûr, nous étions dans le même wagon. Et que dit le journaliste? Les gens sont extraordinaires. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Parce qu'on ne m'a pas demandé. Ah ben, personne ne m'a demandé. Ah, mais elle s'appelait Cetella. Cetella Reinbach. Et elle raconte toute l'histoire. Oui, elle penchait sa tête dans la porte parce qu'elle regardait un petit chien. Et effectivement, dans le film, vous voyez le petit chien sur le quai. Et sa mère lui disait, rentre ta tête, Cetella, tu vas te faire couper la tête, rentre ta tête. Et voilà. Et donc, c'est l'équivalent d'Anne Frank, si vous voulez. Hein? C'est l'icône même de la déportation. C'est une petite fille. Elle est morte. Elle est, bien sûr, elle a été gazée à Auschwitz la nuit du 2 août. Voilà, donc c'est une petite fille hollandaise, une Sinto hollandaise. Et toute la famille y est passée, sauf le père, parce que le père, qui est violoniste, un grand violoniste, ce jour-là, était allé chercher du boulot ou je ne sais pas quoi, et il n'était pas dans le camp quand il y a eu la rafle. Et donc, le père n'a pas été raflé. Eh bien, vous savez quoi? Il est mort de chagrin. Oh. Il est mort de chagrin, son père, en Hollande. Voilà. C'était la Steinbach, pardon. Voilà, une petite fille de 11 ans. 11 ans. Il y avait sa mère, il y avait ses frères. Et il y a eu un livre en France, vous savez, d'une certaine Gervaise Schmitt. C'est absolument incroyable, personne ne parle de ce livre. Même dans le milieu tzigane, je veux dire, même les gens informés. Hein. Eh bien, cette femme, elle a été déportée, c'est une manouche française, elle a été déportée à Auschwitz dans le fameux convoi de Belgique, qui est le seul qui a été emmené avec des tziganes français qui a été amené jusqu'à Auschwitz. Elle a été déportée à Auschwitz. Elle a survécu. Elle est revenue, puisqu'elle a fini sa vie dans une caravane quelque part en Normandie. Elle a écrit un livre avec un journaliste. Personne ne parle jamais d'elle. C'est le seul témoignage qu'on ait d'une femme manouche française déportée à Auschwitz et ayant survécu. Parce que, comme je vous l'ai dit, elle a été transférée dans un autre camp avant la liquidation du camp. Hein. Donc, elle en est revenue. Eh bien, personne ne parle jamais. Gervaise Schmitt. Ouais, je voulais revenir, mais je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire que ce que tu as dit sur ce camp de Saliers, c'est hallucinant. C'est un décor de cinéma. Après, tu lis les témoignages, ben, l'été, il crevait de chaud dedans, et l'hiver, il crevait de froid en plein Mistral. Donc, effectivement, c'était pas un camp d'extermination, mais c'était... Ils chopaient toutes les maladies et puis ils ne devaient pas être soignés, quoi. Non, c'est pour ça que... Et effectivement, là, ton histoire, là, de plus enlever les traces, tout ça, il ne s'est rien passé chez nous. Ouais, et là, je vois que dans le, quand tu as une liste des camps, oui, à la fin du bouquin, oui. Et je vois que dans les Bouches-du-Rhône, il y a des camps... Il n'y avait pas que Saliers, il y avait Miramas aussi. Est-ce que tu as eu des infos? Aucune. Parce que ce et où c'est qu'on peut les trouver, les infos? C'est aux archives départementales. C'est ouais. Alors, sur les camps français, j'ai vu les archives une fois. Moi-même, j'ai pas. C'est un livre de seconde main, ce qu'on appelle en histoire. Hein. C'est-à-dire que moi-même, je n'ai pas fait d'archives à proprement parler. Hein. J'ai travaillé à partir des travaux des collègues. Ça veut dire que je leur fais confiance. Hein. Bon. Mais j'ai vu une fois un dossier d'archives français. Et donc, on peut effectivement... Pourquoi est-ce qu'on peut faire cette histoire française? C'est parce que les archives françaises, elles marquent les noms des déportés dans les camps, mais même les flics qui les arrêtent, et il y a une rubrique nomade. Donc on est sûr de ne pas se tromper, parce que les tziganes, c'est bien gentil, mais comment vous les identifiez? Si le mec il se met en costume cravate, qu'il n'est pas en roulotte, il a un nom, tout ce qu'il y a de plus français, le noir. Il n'y a pas de religion particulière, il n'y a pas de façon de manger, de cuisine particulière, il n'y a rien, il n'y a rien. La personne qui veut passer inaperçue, il n'y a rien qui puisse l'identifier. Donc les archives françaises, on peut le faire pour les camps, parce qu'il y a la mention, il y a une rubrique spéciale, nomade. Mmh. Nomade, Tsigane. C'était facile de les arrêter aussi, parce qu'ils étaient tous fichés. Il y avait le carnet anthropométrique. Il y avait le carnet anthropométrique. Je ne vous ai pas parlé de ça. Parle-en. Non, mais c'est-à-dire que je ne vous ai pas raconté que pour que cette extermination, donc on va dire la moitié de la population tsigane d'Europe, soit possible, vous pensez bien qu'ils n'ont pas tout inventé en 1940 ni en 1933. Ils sont arrivés sur un terrain qui avait déjà été préparé. Préparé depuis la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, les Occidentaux sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Dans toute l'Europe, ils se sont mis à élaborer des théories qui n'existaient pas avant. Raciales, tu l'as dit tout à l'heure, des théories raciales, qui n'existaient pas avant. Et ils se sont mis à élaborer des techniques, l'anthropologie physique, l'anthropométrie. C'est celle que, si vous avez déjà été arrêté par les flics, on vous fait subir toujours de nos jours, de face et de profil. La photo, clic-clac. C'est comme ça qu'on a tant de photos de Ravachol, Bono et compagnie, parce qu'il y a la passion anthropométrique. Mais, au nom de ficher tout le monde en photo, en France comme en Allemagne, comme en Italie, comme partout. Ils ont fiché en particulier les Tsiganes, puisqu'ils ont décidé de s'imaginer qu'il y avait une race spéciale Tsigane. Et donc, c'est là où l'armée des anthropologues et des eugénistes se sont mis à mesurer la taille du crâne, à mesurer la distance entre le nez et l'oreille, à mesurer la taille de l'oreille. C'est complètement dément. Je répète que si tu ne peux pas identifier, il n'y a aucun signe distinctif, tu vois. Bon, c'est même pas la couleur de la peau, enfin je veux dire, ça n'a pas de. C'est purement construit. Et donc, ils ont construit dans toute l'Europe des fichiers anthropométriques. Il y en a eu en France. Il y en a eu un gigantesque en Allemagne, le Zigeunerbuch de Alfred Dielmann, 1905. Et en France, cette passion anthropométrique aboutit en 1912, sous la poussée de l'extrême droite, à la création du carnet anthropométrique, que toute Tsigane est obligée de tenir et de présenter à la police. De déplacement en déplacement, à la gendarmerie, à la mairie, etc., etc. Un passeport intérieur. Ce carnet anthropométrique a été aboli en 1969. Contre-coup de mai 68 pour les Tsiganes, on abolit le carnet anthropométrique en 1969. 1912, 1969. Vous voyez la longévité des stéréotypes? Et pourquoi faire, on abolit en 1969, pour le remplacer par le livret de circulation, qui a été aboli par Hollande en 2016. Jusqu'en 2016, depuis 1912, les Tsiganes français ont eu un passeport intérieur spécial, rien que pour eux, en France. Mais cette même passion anthropométrique, elle a lieu dans la totalité de l'Europe. Vous trouvez des fichiers comme ça dans tous les pays, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Yougoslavie, partout, partout. Et mieux, vous avez un petit groupe policier qui se met à s'intéresser aux Tsiganes et qui s'appelle Commission internationale de la police criminelle. Il y en a un petit groupe, un département, enfin un petit, une boutique, quoi, hein, dans chaque pays d'Europe, donc France, Italie, Allemagne, Angleterre, Suisse, etc. Je ne vous ai rien dit de la Suisse. Bon. Et puis, en 1934, ils se disent, on va se réunir tous ensemble. Donc, ils se réunissent. Et ça devient la cellule internationale concernant les tziganes, qu'on appelle lutte contre le fléau tzigane. Oui. Lutte contre le fléau tzigane, c'est eux qui l'inventent. Et puis, en 1938, le siège central de cette commission de police internationale était à Vienne, en Autriche. Donc, quand l'Autriche est annexée par le Reich, il y a des gens qui disent, bon ben, on ne peut pas rester là avec tous les fichiers, parce qu'ils avaient la main sur tous les fichiers hein, de toute l'Europe. On ne peut pas rester là à Vienne, donc il faudrait qu'on s'installe en Suisse. Mais les Suisses disent, non. Donc, le fichier central et la centralisation des polices européennes spécifiquement dédiées aux tziganes, où est-ce qu'ils s'installent? À Berlin. Et après on s'étonne que toute l'Europe, par le plus grand des hasards, ait peu ou prou mis en place le même type de politique raciste contre les tziganes. Mais du début du XXe siècle jusqu'à l'avènement du national-socialisme, ils ont mis en place les outils pour cela. Quant à la Suisse, on a une très bonne étude sur la Suisse, mais alors eux, quand on venait se réfugier en Suisse, quand on était Rome, ou n'importe, Marouche, Django Reinhardt, ou n'importe quoi, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils les rendaient à l'Allemagne. Ah ouais, sympa. Plus nazis que les Suisses, mais ça n'existait pas. Avant même l'arrivée du tiers, ils avaient une association qui a enlevé les enfants. Exactement, exactement. Et dans ce statut, c'était les mêmes idées que mecs, en fait. Exactement, les enfants de la grande route. Et ils ont fait timidement leurs excuses il n'y a pas longtemps. C'était pas jusque dans les années 70 qu'il y a eu des hospitalisations absolument. Jusque dans les années 70. La Suisse, écoutez, le récit sur la suite est absolument abasourdissant. Avez-vous d'autres questions? Vous voyez le petit tour géographique tout à l'heure, du coup, Yougoslavie, Albanie. Albanie, je ne sais rien. J'ai aucune source sur l'Albanie, probablement parce que les travaux n'ont pas été faits, parce que l'Albanie faisait quand même partie du lot. Mais Yougo, oui. Alors Yougo, oui. Parce qu'en Yougo, nous avions des fascistes locaux. Ouais. Nous avions les Oustachis, mais n'oubliez pas, comme certains néo-staliniens aujourd'hui veulent même pas l'entendre, que les Tchétchniks, c'était pas mieux que les Oustachis, c'est-à-dire les Serbes. C'était pas mieux. Il y avait des fascistes dans les deux coins. Et on a eu le camp le plus sanguinaire, en dehors des camps nazis de toute l'Europe, à Jasenovac. Et ils y ont exterminé tout ce qu'ils ont pu trouver de juifs et de Roms. Donc on a eu en Yougoslavie deux sortes de morts. On a eu des camions à gaz à Berlin, à Belgrade. Des camions à gaz à Belgrade. Et on a eu, alors je ne peux pas parler de chambres à gaz parce que là je ne me rappelle pas et je ne crois pas qu'il y avait des chambres à gaz, mais des exterminations dans le camp à Jasenovac. C'est où? C'est en Serbie, ça? Alors Jasenovac, non, c'est en Croatie. C'est en Croatie ou c'est en Bosnie? C'est en Croatie, non? Je crois que c'est Croatie. C'est pas le film. De toute façon, c'était. C'est pas le film de Gatti. Dans le film de Gatti, il n'en parle pas de ce cas. Non. Gatti, c'est en France. Armand Gatti. Il y a un camp en Yougoslavie où il est exterminé par le travail. Ah, ben c'est certainement ça. Oui, c'est ça. C'est sûrement ça, hein. C'est sûrement ça, bien sûr. Il est très connu, ce camp. Il y a eu des milliers de morts. Donc on a des récits. Là aussi, l'administration de Tito, après, enfin, il en a fait tout un... un plat nationaliste, Tito. Mais en tout cas, l'administration a fait son boulot et on a des récits. Et sur Jasenovac, oui, c'est très très connu. Ça a été sanguinaire. Mm-hmm. En Yougo, ça a été sanguinaire. Mais ce que je tiens absolument à dire, c'est que ne vous imaginez pas, comme on m'a dit ça il n'y a même pas une semaine, que c'était tout noir en Croatie et tout rose en Serbie. Non mais, loin s'en faut. Loin s'en faut. Et en Italie, aussi, des camps. Plein de camps. Alors, on a le témoignage de Primo Levi, hein. Mais plein de camps, et on a nos camarades anarchistes de Milan, ils ont fait un CD sur l'extermination des tziganes italiens en Italie. Et pareil, hein, pareil, dans les camps. Alors, ce qu'on sait pour l'Italie, par exemple, c'est qu'il y a eu également des partisans parmi les Roms. Des tziganes italiens ont participé à la résistance, comme en France. Donc ça, c'est des choses qui commencent à se savoir peu à peu. Ça n'a pas été étudié jadis, mais maintenant, on commence à sortir des exemples et s'apercevoir que, en fait, comme d'habitude, dans la population tzigane, c'est comme dans toutes les populations, il y a eu de tout, et il y a eu aussi des partisans, évidemment, et des résistants, bien sûr. Est-ce qu'il y a une partie des en Europe, des Roms qui, à force de voyager, connaissant les plans, tout ça, ont quand même réussi à échapper aux arrestations ou pas, Oui, il y en a qui ont échappé aux arrestations, puisque ce qu'on calcule, c'est que c'est la moitié de la population qui a été exterminée. Donc, il y en a qui ont échappé. Forcément, certains ont échappé. Mais, par exemple, en Pologne, comment elle s'appelle Papusza. La poétesse Papusza, en Pologne, elle a échappé à la déportation en se cachant dans les bois. Comme beaucoup de Juifs ont échappé à la déportation en se cachant dans les bois. Les Roms aussi se cachaient dans les bois. Parfois, ils étaient attrapés, parfois non. Papusza, en l'espèce, elle en a fait des poèmes, elle n'a pas été... elle en a réchappé. Bien sûr que c'est... Est-ce qu'ils étaient considérés comme apatrides ou pas? Est-ce qu'ils avaient des statuts? Eh bien, d'abord, ils n'avaient pas de statut, bien sûr que non. Mais comme on leur a enlevé la citoyenneté peu à peu avec les lois, les lois leur ont ôté la citoyenneté peu à peu. En tout cas, en Allemagne, c'est sûr et certain, il y a une loi pour leur enlever la citoyenneté. Mais en France, même... D'abord, est-ce qu'ils étaient vraiment citoyens avant? Déjà, c'est une vraie question. Mais de toute façon, on leur interdisait tellement de fonctionner tout que citoyen ou pas citoyen, ça changeait pas grand-chose. Mais ils n'avaient pas le statut d'apatride, ça non. Mais est-ce qu'en Europe de l'Est, ils ont eu dans certains pays? Ah non, je crois pas. Je crois pas. J'ai jamais entendu parler de ça. Je ne crois pas. Non, non, le statut d'apatride, c'est un statut, pour ça, il faut le réclamer, il faut faire des démarches, tu penses bien que... C'est une autorité extérieure qui va te reconnaître, comme les Espagnols qui avaient quitté l'Espagne de Franco. Là, ils avaient un passeport En scène. Je ne pense pas qu'ils avaient le statut d'apatride. Mais ça, c'est lié à l'ONU ou à une structure internationale. Non, mais les Roms à l'ONU, hein. Ouais. Les Juifs étaient considérés comme apatrides, par exemple. À quelle époque et... justement, il me semble, non, Walter Benjamin, quand il... Oui. Ah, parce qu'il avait quitté l'Allemagne et qu'il avait perdu la nationalité. Oui. Juifs, oui. Mais oui, les Roms, non, je ne crois pas. Parce que les Allemands les avaient rayés. Les Roms, je ne crois pas. Mais je ne crois pas parce qu'ils n'avaient pas accès aux démarches administratives. Parce ils n'avaient peut-être pas de passeport à perdre, quoi. Je ne pense pas, hein. Ouais. Mais la question reste en suspens. Mais à mon avis, non. D'ailleurs, justement. Eh bien, l'Espagne, ils se sont contentés de zigouiller tout le monde sous Franco, tu comprends, pendant la guerre, pendant la Révolution. Donc, il était tellement content, il avait suffisamment de sang dans son sol. Une fois qu'il a eu gagné, Franco, il n'a plus bougé. Donc, on sait que quand les gens réussissaient à passer les Pyrénées, ce qui n'était déjà pas gagné d'avance, eh bien, une fois qu'ils avaient passé les Pyrénées, en gros, ils étaient tranquilles, en gros. C'est peut-être ta question, c'est les gitans en Espagne. Est-ce qu'ils ont été réprimés sous Franco Il y a trois livres. Il y a trois livres en espagnol sur les gitans pendant la Révolution espagnole, les gitans sous Franco, les gitans à la Deuxième Guerre mondiale, en espagnol. Comme je ne lis pas l'espagnol, j'ai les livres, mais je ne les ai pas lus. mais je vais les lire un jour, démerdant. Mais il y a un camarade, je crois que c'est Floréal Melgar, qui nous a fait un résumé de tout ça. Donc vous pouvez sur le blog de Floréal trouver un résumé de les Tziganes sous Franco, etc., etc. Donc nous avons eu les deux cas de figure en résumé. D'une part, des collaborateurs. Par exemple, il y a un pauvre Beaugrin qui a été canonisé il y a 15 ans de ça à peu près par le pape parce que c'était un mouchard franquiste. J'ai oublié son nom, un gitan. Et alors, ils sont tous allés à Rome pour faire la fiesta, etc. Tous plus actés les uns que les autres, mais tous à Rome quand même pour faire la fiesta. Ça, c'est un cas de figure. Et puis, il y a l'autre cas de figure, où il y a bien sûr des résistants, et on a même le cas de Elios Gomez, que vous connaissez sans doute, qui était un dessinateur, qu'on trouve beaucoup dans la presse anarchiste, qui était gitan, qui d'abord a été au Parti communiste. Il a trucidé un mec dans le cadre d'une rixe à l'intérieur du PC, et pour se planquer, il n'a rien trouvé de mieux qu'aller chez les anards, parce que là, il était à l'abri, et donc c'est lui qui a fait les dessins du journal de la colonne de Ruti. Voilà. Donc Elios Gomez, le gitan à la cravate rouge, sa biographie en espagnol, c'est le gitan à la cravate rouge, c'est Elios Gomez. Donc on a les deux cas de figure, hein. Mais je vous en dirai plus le jour où j'aurai lu ces livres, mais vous avez déjà une première présentation par Floréal Melgar. Il a fait ça il y a moins d'un an. Hein. Il y a moins d'un an. Okay. Des questions? On a fait le tour de l'Europe, là. Pardon? Oui. Une question qui risque de vous surprendre peut-être parce qu'elle est bête, hein. Mais c'est moi qui l'assume quand même. Que pensez-vous de la différence entre les bohémiens et les gitans dans le monde du voyage? Alors, il n'y a pas de différence. Au point de vue, parce que moi, dans les années 50, je m'étais fait abonner à la sottise alors que je mangeais un hérisson à la broche avec des bohémiens. Oui. Qui étaient, disons, d'un physique très différent des gitans. Ah, ben vous avez de la chance. D'avoir mangé du hérisson. D'avoir vu une différence. Parce que les bohémiens prétendaient qu'eux jouaient du violon alors que les Espagnols grattaient la guitare. Non. Alors c'est sûr si c'était bête. Non mais, bon, peu importe. C'est des clichés ça. C'est une blague. Vous allez aller en Espagne, vous allez trouver de remarquables guitaristes, bien entendu. Mais vous allez aussi trouver de remarquables violonistes, bien entendu. Et vous allez aller chez les mains Django Reinhardt. Il n'était pas du tout gitan. Il était Sinto, Manouche. Ouais. Ça veut dire qu'il venait d'Allemagne. Et c'est un génie de la guitare mondiale. Parenthèse, il n'a pas été inquiété pendant la guerre? Si, il a été inquiété, mais je ne connais pas le détail, parce qu'il y a eu un film que malheureusement je n'ai pas vu, qui paraît-il est très très bien, avec Kateb Reda qui l'incarne. Je n'ai pas vu ce film. Il a été inquiété. Il a essayé de passer en Suisse. Il s'est fait refouler. Sa mère a essayé de passer en Suisse. Elle s'est fait refouler. Donc finalement, il a joué de la guitare dans les cabarets pour les nazis, à Paris. Dans les cabarets à Paris, il y avait les nazis. Bien sûr. Voilà. Mais ça a été limite, si j'ai bien compris. Ça a été limite, quand même. Mais enfin, dans le film, il y a cette scène incroyable où ils interdisent de jouer du swing. Oui. Ah Et ils commencent donc avec des rythmes germanisés, quoi. Ouais. Mais ça ne tient pas très longtemps. Uh-huh. En tout cas, dans le film, je ne sais pas à quel point c'est historique, mais... Si, mais il paraît qu'il est très bien, le film. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Ouais. Ouais. Ok, on continue la discussion autour d'un verre. Donc encore une fois, merci de votre participation, de votre venue. Merci d'être venu. Merci à Claire. À